السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc hier on avait pris deux hadiths, le 58e et le 60e. 58e qui était لا يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء أقوام وأموالهم ولكن اليمين على المدعي أو المدعى عليه. وفي لفظ البيهقي البينات ولا مدعي واليمين على ما أنكر. Ce hadith qui disait que si on donnait aux gens en mesure de leur prétention, les gens réclameraient alors les biens et les vies et le sang des autres. Cependant, celui qui prétend une chose, avance une chose, qui sort de sa base, qu'il apporte la preuve. Et l'innocent, celui qui nie cela, n'a qu'à jurer par Allah. On avait expliqué un petit peu ce hadith-là. On avait pris le 60e hadith qui expliquait les règles de certaines règles liées à la chasse du gibier et au sacrifice des animaux comestibles, qui avaient des différences et des similitudes entre les deux dans les règles. D'accord ? Quand même. Donc là, on va prendre le hadith al-Hadi wa Sittin, 61e hadith, qui lui-même, en réalité, aurait été plus approprié que je le fasse avec le hadith précédent, du ders précédent, mais bon. Nous, on avance, hein, quand on peut, comme on peut, deux hadiths par ders. Quand ils sont vraiment très courts, des fois, on prend trois, pour rester de façon, pour avancer d'une avancée régulière. Mais c'est vrai qu'il aurait été plus, il aurait été meilleur de lier ce hadith-là avec celui qui était avant. Mais khay, inshallah. Et c'est un hadith qui est connu, qui est dans les Arba'in Nawawiyya, pour ceux qui sont habitués à lire ce livre, ceux qui l'ont mémorisé. Et de toute façon, alhamdoulilah, dans les durous qui viendront dans la semaine, ce hadith-là, inshallah, on l'étudiera également à nouveau dans les Arba'in Nawawiyya, dans les durous hebdomadaires qui auront lieu en direct. Inshallah. يقول عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان لكل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته رواه مسلم. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit que Allah a écrit la bienfaisance, excellence en toutes choses. Si jamais vous devez tuer, alors faites le bien avec bienfaisance. Si jamais vous devez égorger, alors soyez bienfaisant envers l'animal. Et que l'un d'entre vous aiguise, affûte sa lame et qu'il apaise l'animal qui va égorger. Apporté par Muslim. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإحسان نوعان إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه فإن الله يراه وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل لها. Donc cet ihsan est de deux sortes. Ihsan qu'on traduit souvent par bienfaisance, et une traduction qui est très bien, c'est excellence. Dans ce qui concerne le droit d'Allah, comme l'auteur va le citer maintenant. Donc cette excellence, c'est dans l'adoration que l'on voue au Créateur. On excelle dans celle-ci. Elle revient, consiste à adorer Allah comme si on le voyait. Et si on ne le voit pas, que l'on sache que lui nous voit. Et ça, c'est le niveau le plus haut. Savoir que Allah te voit. Ce qui m'a amené à mettre le plus de dévotion possible dans les actes et les parfaire. D'accord ? Donc ça, le traduire par excellence, pour moi, c'est excellent. En français, je vois pas d'autre terme yani, plus approprié que l'excellence. J'avais vu la traduction, je ne sais plus dans quel livre. Quand j'ai vu, je dis ça, c'est mashallah. Ça, c'est excellent. وإحسان في حقوق الخلق. Et deuxième, c'est la bienfaisance qui est dans le droit des créatures. وأصل الإحسان الواجب. Et la base dans l'إحسان, c'est que c'est obligatoire. أن تقوم بحقوقهم الواجبة كالقيام ببر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات ويعطى جميع ما عليك من الحقوق كما أنك تأخذ مالك. Donc c'est comme par exemple ce qui est obligatoire, comme le fait de rendre des droits obligatoire. Par exemple, l'obéissance aux parents, ou l'entretien des liens de parenté, ou l'équité avec, dans tout rapport et dans toute relation. Tu es équitable, que ce soit avec ton proche ou avec l'éloigné, avec ton ami ou ton ennemi, avec le musulman comme avec le kafir. Tu restes une personne équitable, de droiture. Donc cet Ihsan, il est obligatoire. Et tu dois rendre tous les droits qui reviennent aux autres. Là, on ne parle pas des choses surrogatoires ou les aumônes ou quoi. Là, on parle des choses qui sont obligatoires. Car des gens ont des droits. Et ces droits-là, de les rendre, ça rentre dans l'Ihsan qui est obligatoire. Donc, autant toi, tu donnes aux gens leurs droits, que toi, tu as des droits à récupérer également. Droits à prendre. قال الله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ جُنُوبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَأَمَرَ بِالْإِحْسَانِ لِجَمِيعِ هَؤُلَاءِ. Ensuite, Allah, l'auteur cite un verset dans lequel Allah Azawajal justement regroupe ses droits à rendre. Dans le sens où Allah dit, dans le sens وَاعْبُدُوا اللَّهَ, et adorer Allah, et ne lui associez rien. Et soyez bienfaisants envers les parents, ainsi qu'envers les proches, ainsi qu'envers l'orphelin, ainsi qu'envers le pauvre, ainsi qu'envers le voisin. Et le voisin également qui est un proche, c'est-à-dire un proche parent, mais qui est un voisin également. Et Sahib al-Jamb, ça a été interprété de deux sortes. Soit le compagnon de voyage, ou soit l'épouse. Car en réalité, celui qui est tout le temps avec toi, en continu, qui te soutient, qui t'accompagne. D'accord ? C'est l'épouse pour l'homme et l'époux pour la femme. Donc certains, ils ont interprété « وَصَحِبْ بِالْجَمْبِ » comme étant le conjoint. Voilà, le conjoint, comme ça, ça regroupe les deux genres, l'homme et la femme. Ainsi que le voyageur. D'accord ? Le voyageur également, il faut lui rendre un droit. D'ailleurs, même le voyageur, et particulièrement le voyageur, celui qui est perdu. Parce qu'il y a Ibn Sabil, et il y a celui qui est perdu. Et celui qui est perdu, qui sort dans un pays et qui ne sait plus où comment se diriger ou se rendre, même s'il est riche dans son pays, eh ben il a droit à la zakat. Et là, on parle de celui qui est perdu. D'accord ? Par exemple, un musulman, il vient d'un pays, il vient dans un autre, et là, il perd ses affaires, il sait plus où se rendre, il n'a nulle part où aller, ou quoi, eh ben lui, même s'il est milliardaire dans son pays, ceux qui ont la zakat à donner, peuvent le donner à lui. Celui qui est perdu. Donc, Allah Azawajal a ordonné d'être bienfaisant envers tout cela. وَيَتْرُلُ فِي ذَلِكَ الْإِحْسَانِ إِلَى الْجَمِيعِ نُوعَ الْإِنْسَانِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى بَهَائِمِ حَتَّى فِي حَالَةِ الَّتِي تُزْحَقْ فِيهَا نُفُسُهَا وَلِهَذَا قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Et cela comporte également la bienfaisance sous toutes les formes envers l'être humain. Les vrais droits de l'homme. Les vrais droits de l'homme, pas ceux que les gens inventent et que les gens confectionnaient de leur tête. Les vrais droits de l'homme sont en islam. Ni plus ni moins. On ne donnera pas aux hommes de meilleurs droits que ceux que Allah Azzawajal leur a donné. Et on ne privera pas les gens d'une chose, d'accord, de plus légitime que ce que Allah Azzawajal les a privés, comme chose interdite. Ce n'est pas une injustice envers eux, c'est pour leur bien. Donc les droits de l'homme prétendus par les hommes eux-mêmes, ce sont des choses qui sont, elles comportent du bien, certains droits qu'ils ont établis sont vrais, et d'autres sont exagérés. D'autres sont abusés. Car en rendant un droit à quelqu'un qui ne revient pas, tu vas en priver un autre, en fait. En donnant un droit à quelqu'un, un droit qui ne revient pas, tu vas en priver un autre. Quand tu donnes un droit à un époux sur sa femme qui ne revient pas, tu vas léser son épouse. Quand tu donnes un droit à l'épouse d'un droit qui ne revient pas, tu vas l'inciter à léser son époux. Quand tu donnes un droit à un père qui n'a pas son enfant, tu vas inciter le père à léser son enfant, ainsi de suite. Donc tout doit être mis à sa place. هذا هو الحكمة والعدل. Et ça, la sagesse et l'adl, mettre les choses à leur place. Si tu mets une chose autre, même un petit peu autre que sa place, elle n'est pas à sa place, tu vas causer une injustice. Que tu t'en rendes compte ou pas, que ce soit aujourd'hui ou demain, l'injustice finira par apparaître. Et l'islam appelle à mettre les choses à leur place. Ce n'est pas une religion d'égalité, mais une religion d'équité. Chacun a son droit qui lui revient en mesure de la place qu'il occupe dans cette société. Et si on faisait les choses comme elles sont demandées en islam, vous verrez le monde se porter aussi bien que se porte la nature. Les animaux, la végétation, tout. Vous voyez que tout est bien régi. Les nuages, alhamdoulilah, le soleil se lève à l'heure qui est prévue, il se couche à l'heure qui est prévue. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de problème. La lune, elle apparaît tout le temps. au même moment, de la même façon. Les marées, des mers, les vagues, les oiseaux, tu vois pas un oiseau qui tombe du ciel tout seul comme ça. D'accord ? Les animaux, alhamdoulilah, regardez les fourmis, comment elles sont organisées, les abeilles, tout ça. Tout est géré, masha'Allah. Car ces choses-là, ces êtres-là, sont soumis à Allah Azzawajal, complètement. Nous, on a le taklif qui nous donne le choix d'obéir ou de désobéir. Si on obéissait concrètement à l'islam, eh ben vous verriez un monde qui est en harmonie, qui est parfait. Cependant, Allah Azzawajal, dans son irada, sa volonté universelle, il n'a pas voulu cela. Et on a parlé de cette irada, on en a parlé déjà dans le ders de 200 questions-réponses. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ce n'est pas tout ce que Allah qui a voulu de façon universelle qu'il aime. D'accord? Ce n'est pas tout ce qu'il a voulu qui se produit sur terre entre les hommes qu'il aime. Non. Mais il a voulu que cela arrive pour une hikmah que lui connaît. Et cela nous dépasse. Donc les droits de l'homme, ils sont en islam. Pas dans le code pénal, pas dans la station, je ne sais quoi, pas dans le tribunal, ou je ne sais. C'est en islam qu'est le droit de l'homme. Les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits des animaux. D'accord? On n'a pas besoin de Brigitte Bardot ou Fulana. Les droits des animaux, on les connaît en islam. Et également les droits des enfants. Tous les droits en islam de chaque créature a été donné et établi. Certains qu'on connaît, et certains, seuls les savants les connaissent, pour avoir étudié, et qui ne nous apparaissent pas, dû à notre ignorance. Mais ils sont là. Ils sont là. Tout est là. Rien n'a été oublié dans le kitab. Donc il dit, مثلاً, l'animal, il a un droit, même lorsque tu le tues, pour pouvoir le manger. Tu ne le tues pas de n'importe quelle façon. Comme le Nabi Sarasam, il a dit, faisait quand elle tombe, farsinou, la quête la siamé, vous tuez, faites le bien. L'animal, on le tue correctement. Et le fait d'égorger l'animal, croyez-moi, si c'est une chose qui est légiférée, c'est qu'elle est bonne pour lui, contrairement à ce que les gens veulent nous faire croire, que c'est cruel, c'est barbare, c'est sauvage. On dit, vous savez rien du tout. C'est Allah qui a dit qu'on doit faire comme ça, c'est qu'il y a un khay pour l'animal. Et vous ne savez pas ce que l'animal, il ressent ou pas. Même si tu voyais ses yeux qui tournent dans tous les sens, ses pattes qui bougent, le sang qui gicle, ça fait peur. Ça ne veut pas dire que l'animal, il souffre comme nous, on le voit. On ne sait pas ce que l'animal, il ressent. Et on n'a pas à savoir ce que l'animal, il ressent. Nous, ce qui nous est imposé, c'est de le tuer de façon correcte. Voilà. Et si on le fait, on aura obéi à Allah Azzawajal, et l'animal, il aura eu son droit. L'animal, son droit, il aura eu. فمن استحق القتل الموجب قتل بالسيف مع عنقه ومن دون تعذير ولا تمثيل. Et également, ce hadith est valable pour les êtres humains qui sont valables d'une peine de mort en islam. Celui qui doit être exécuté doit l'être de façon correcte et légiférée, sans en faire un moyen de dissuasion, sans le mutiler. Des gens vont dire, mais vous dites cela, mais il y a la lapidation en islam. C'est cruel, c'est dur. On dit cela parce que le crime commis, qui est la fornication, mérite ce châtiment-là. Vous ne voyez que la punition. Vous ne voyez pas que la personne elle a commis une chose qui est gravissime. On est tout en train de pleurer sur les gens. Pourquoi il fait ça? Mais pourquoi on ne blâme pas le coupable de base? On blâme le bourreau, celui qui va appliquer la peine, mais on blâme pas le coupable. Toujours comme ça, les gens, toujours en train de se victimiser. Et c'est pareil chez les koufars. Les gens, ils font des crimes immenses, et quand ils sont jugés, oh, c'est trop dur, c'est abusé, ceci, cela. Jusqu'au jour, ce sont eux qui sont touchés. Combien de jeunes font du façade, font des crimes, et tu vois qu'ils passent dans un tribunal, hop, ils sont disculpés. Voilà, ils sont libres, ils sortent. Tranquille, normal. Subhanallah. Et bien en islam, on appelle au adl, et que quiconque doit avoir le droit qui lui revient, et par exemple, quelqu'un qui a été tué, il a des héritiers, ces héritiers ont un droit de vengeance de leur proche qui a été tué. Soit par le talion qui soit tué comme il l'a tué, ou soit alors par le fait qu'il paye le prix du sang. Donc ça revient à quoi? On disait tout à l'heure, les droits des hommes, le droit de l'homme. Les héritiers ont un droit. On ne tue pas un père, on laisse ses enfants comme ça, ou son épouse comme ça. On ne tue pas une femme, on laisse son épouse, ses enfants comme ça. Ils ont un droit, ces gens-là. D'accord? Et c'est la loi d'Allah, Azzawajal, elle est parfaite. Donc celui qui est lapidé, bien que ça paraît aujourd'hui extrêmement dur à voir, on dit ce qu'il a fait est pire encore. Et les ulama disent parmi les hikmas de la lapidation, c'est que comme il a commis un péché qui lui a valu le plaisir dans tout son corps, et ben il aura une sentence qui lui vaudra la douleur dans tout son corps. Voilà. Et Allah Azzawajal est plus savant de ses règles. N'en déplaise aux gens qui crient au scandale. vous pouvez crier, taper du pied, voilà, vous cassez les cordes vocales et vous brisez les talons. Nous, on s'en fiche. Ça change rien à la hakika. Et croyez bien que si demain on lapidait les gens pour la fornication, vous verrez beaucoup moins de façades dans les rues. Wallah. Si on coupait la main du voleur avec les règles qui se doivent, vous verrez beaucoup moins de vols dans les rues. Wallah. Si on appliquait les règles sur les alcooliques, les gens qui prennent des drogues, voilà, vous verrez beaucoup moins de cela dans les rues. Il y aura plus de sécurité et plus de bien-être dans les sociétés, dans la vie des gens. Mais, comme on dit, les gens, la plupart des gens ne le savent pas. Et surtout, comme dans le Coran, il dit, la plupart d'entre eux se détournent, ils ne veulent pas à la base. Comme il dit, plutôt la plupart des gens détestent la vérité. Tu leur apportes la vérité, ils ne la veulent pas. Ils veulent faire comme bon leur semble. Donc résultat, sur terre, le façade. Non. Yaqul, faïzé zabahtum, zabiha, farsinu l'zibha. Donc maintenant, il dit, si on doit tuer un animal, l'égorger plutôt, qu'on le fasse de façon correcte. C'est pour ça qu'il a dit qu'on doit affûter la lame, tout comme on doit apaiser la bête. D'accord ? Autant que possible. Il en est de même pour un homme, comme on l'a expliqué tout à l'heure, qui devrait être exécuté, que cela se fasse selon les règles légiférées. Si l'animal y a droit, l'homme il a encore plus forte raison, il y aura droit. Yaqul wa alam an al-ihsan al-ma'mur bihi naw'an. Donc il dit maintenant, sache que cette bienfaisance qui est obligatoire est de deux sortes. Tout à l'heure on a pris l'ihsan de façon générale, de deux sortes. Celle qui est entre eux, le serviteur et le créateur, et celle qui est avec la créature. Maintenant, il parle de l'ihsan qui est obligatoire envers les créatures. Il a dit de deux sortes. قال أحدهم واجب والإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق. Donc le premier, celui qui est obligatoire, et qui est l'équité, la droiture et de rendre le droit à chacun. Ça, on l'a cité tout à l'heure. والثاني إحسان مستحب. Le deuxième, c'est un إحسان qui est recommandé. Afin, je rectifie, que l'Ihsan qui nous a été ordonné est de deux sortes, car un ordre n'est pas forcément une obligation. C'est la base. Donc je retraduis. وَعْلَمْ أَنَّ الْإِحْسَنَ الْمَأْمُورَ بِهِ نَوْعَنْ. Sache que l'Ihsan qui a été ordonné est de deux sortes. Le premier qui est obligatoire, le deuxième qui est recommandé. Car un acte recommandé ne se fait qu'à travers un ordre. D'accord ? Il y a des ordres qui amènent à une obligation, c'est la base. Tu as des ordres qui amènent à une recommandation, et c'est la base. Et tu as même des ordres qui amènent une chose qui est permise. Il y a des versets où il vient sous forme d'un ordre, et en réalité, c'est pour une permission. Ça rentre dans les règles de Usul al-Fiqh, qui n'ont pas le sujet ici. Donc le deuxième, c'est la bienfaisance qui est recommandée. C'est tout ce qui est en plus de ce qu'on vient de citer à l'instant, de l'obligation. D'accord ? Tout ce que tu vas amener... Tu vas contribuer comme effort pour aider autrui, corporel, ou financier, ou matériel, ou verbal, d'accord ? Qui va aider à apporter un bien à autrui. Ou même ilmi, ou nasiha. Que ce soit une chose qui soit mondaine, ou même religieuse. Que tu aides une personne de façon dans ses biens mondains, au travail, à la maison, dans la rue, ou autre. Ou alors religieux. D'accord ? Comme les durus, comme les nansa'ih, comme les tawjihat, les indications, les amr bil ma'ruf ou le nahi an munkar. Bon, ça reste obligatoire, mais des fois, il y a des degrés. Tout ça, ça rentre dedans. Ça rentre dans l'irsan. Ça rentre dans l'irsan. Et il donne l'exemple d'un irsan qui a valu le paradis à son auteur. Et cette histoire, vous la connaissez tous. Celle de cette barille. Cette prostituée des Bani Israël qui avait abreuvé un chien. Elle est rentrée au Jannah. Et là, il y a une faïda que j'ai entendu mon cher Abdelhamid dire par rapport à ce hadith. C'est quoi ? C'est qu'en fait, on ne sait pas, une fois qu'elle a abreuvé ce chien, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme-là. Le hadith dit juste qu'elle est rentrée au paradis. Et Shiri dit que en fait, c'est peut-être le fait qu'elle a abreuvé ce chien que Allah Azzawajal lui a pardonné, lui a accordé le repentir, qu'elle délaisse justement la prostitution. Ça ne veut pas dire qu'elle est morte prostituée. Le hadith ne veut pas dire cela comme beaucoup de gens, parce que des fois, il y a des gens, ils font des kaba'ir, et ils sortent de ce genre de hadith pour excuser les grands péchés que les gens, ils font. On dit non, faut pas le comprendre comme ça, le hadith. Elle est entrée au Jannah, mais on t'a pas dit qu'elle avait fait tawbah avant d'entrer au Jannah. Justement, qu'elle a fait tawbah de la prostitution, et qu'elle avait le tawhid, et qu'Allah lui a pardonné qu'elle est entrée au Jannah pour ce geste qu'elle a fait qui était une cause. Pour qu'Allah la guide. D'accord? Comme beaucoup de gens qui font des fois des grands mots, un jour ils font une bonne action, avec sincérité, et que Allah, par cette bonne action, leur accorde le tawfiq de se repentir, de se rattraper, pour ensuite mourir sur le bien. D'accord? Donc dis pas, ouais, un tel c'est un dealer, mais il a fait une grosse sadaqa à la mosquée là-bas, donc j'espère qu'Allah lui pardonne. Tu vois, on dit, tant qu'il est vivant, que c'est un dealer, on le critiquera pour son deal. Sache-le, ce hadith-là n'est pas un argument pour lui. Tout comme le hadith de la prostituée n'est pas un argument pour dire qu'une femme peut se prostituer, à donner à boire aux chiens, elle est bien. Attendez, ce serait incroyable de réfléchir comme cela. Donc le hadith n'indique pas qu'elle est morte prostituée. À bien comprendre. Mais qu'elle est rentrée au Jannah pour avoir abreuvé un chien. D'accord? Déjà, elle avait le tawhid. Et quand bien même elle était prostituée par prostituée, elle avait le tawhid. Et le tawhid permet de pardonner tous les péchés. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas été châtiée avant. Allahu a'lam, dans le hadith, ça ne parle pas de cela. D'accord? Les hadiths, il faut bien les comprendre pour ne pas les employer selon nos passions et pour pouvoir minimiser le mal de certaines personnes. Naam. Donc, cette femme a été bienfaisante envers l'un des plus vils des animaux qui est le chien. Car ce chien-là, il a des droits d'être abreuvé, de ne pas être maltraité, même s'il ne rentre pas à la maison, même si c'est un animal qui est vil ou quoi, on n'a pas allé faire du mal gratuitement. On va bien comprendre cela, donc ça rentre dans l'Irsan. Et dans l'Irsan, ça rentre, comme on a expliqué, comme l'auteur le dit, là je vous dis vite fait en résumé, tout ce qui est, apporte qui est une contribution pour profiter à autrui dans ce qui lui est bénéfique. C'est important de préciser celle-là, dans ce qui est bénéfique. Parce que des fois, t'as des gens, ils aident des gens à faire du mal. Entraidez-vous dans la bienfaisance, ou dans la piété et l'obéissance, et ne vous entraidez pas dans le mal et le péché. Aider quelqu'un à faire un haram, t'as pas été bienfaisant envers lui, t'as été malfaisant envers lui. Mais aider quelqu'un dans le bien, tu aurais été bienfaisant envers lui. Quand bien même interdire le mal de quelqu'un qui fait un mal, quitte à ce qu'il s'énerve, qu'il soit vexé ou quoi, fais-le de la meilleure façon, tu aurais été bienfaisant envers lui, même si lui le prend mal. D'accord? Même s'il le prend mal, tu aurais été bienfaisant envers lui. La bienfaisance, c'est pas forcément faire plaisir aux gens. C'est leur apporter ce qui leur est profitable, de façon mondaine, sans haram, ou de façon religieuse. Que eux s'en rendent compte ou pas. Qu'ils s'en rendent compte ou pas. Il a dit, min ajal anwa al-irsan, parmi les meilleures formes d'irsan, al-irsan ilaman asa ilayk bi qawlin aw fi'lin. قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Donc l'une des meilleures formes d'Ihsan, c'est d'être bienfaisant envers quelqu'un qui t'aurait été malfaisant envers toi. Il t'aura fait du mal, toi tu lui rends par du bien. Voilà, ça c'est un mustawa, il est fort, c'est pas tout le monde qui arrive, parce que généralement les gens ils sont rancuniers. Ils ne pardonnent pas et rendent le mal par le mal. Celui qui est à ce stade d'être bienfaisant envers quelqu'un qui était malfaisant envers lui, ça c'est un niveau qui rentre dans l'excellence. Dans le sens où Allah dit, et que la bonne action et la mauvaise ne sont pas égales, et repousse de la meilleure façon. Le mal qui t'est fait repousse de la meilleure façon. Et tu verras que soudainement, cette animosité qui est entre toi et ton opposant deviendra une amitié chaleureuse. Et ça, on l'a vu, on l'a testé. Des gens qui t'ont fait du mal, t'as été gentil avec eux, voilà, ça les a touchés. Et bien après, vous êtes devenus des proches. D'accord? Regardez bien, Mefalen, ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire lorsqu'on est sa'im, lorsqu'on jeûne et que quelqu'un s'en prend à nous. Qu'est-ce qu'on lui dit? Inni sa'im. Toi, tu n'insultes pas. Tu ne t'énerves pas contre lui, tu lui dis juste je jeûne. Et bien là, tu auras repoussé le mal par la meilleure façon et lui, tu vas lui faire un rappel, il va se calmer. Vous allez voir, il va se calmer direct. Il aura honte de lui. Et ça, je le répète souvent. Et bien ça rentre dans ce bab là. Et il dit dans le verset que ne s'en rendent compte que ceux qui ont patienté et enduré et ceux qui ont reçu une part immense, c'est-à-dire de tawfiq. Là, il va réagir dans ces situations-là, de la sorte. C'est dur. Allah, c'est dur. Souvent, on n'y pense pas. Quelqu'un nous parle mal, on lui répond mal. Quelqu'un lève la main sur nous, on lui rend. D'accord? C'est pas tout le monde qui arrive à réfléchir à ce moment-là et avoir le bon réflexe. Nasallallahu al-tawfiq wa li'ana. Bila shak. Mais, c'est toujours un rappel pour nous tous. Au moment où on dira, on l'a su. Ensuite, on fait des doigts que Allah Zawajal nous permette de l'appliquer. Et surtout de l'appliquer au bon moment. Car là, on peut s'en rappeler. Ce soir, on va s'en rappeler. Peut-être demain, on va s'en rappeler. Dans quelques jours, on aura une dispute. On l'aura oublié. Malheureusement, on l'aura oublié. Voilà le musta'an. وَمَا كَانَتْ طَرِيقَةُ وَالْإِحْسَانِ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَأَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاءَهُ. Et que celui qui est bienfaisant envers les gens, quelle sera sa rétribution? C'est que Allah, justement, sera bienfaisant envers lui. Cela lui sera rendu, il en verra, alhamdoulilah, les traces, il n'est pas perdant. Ce n'est pas humiliant, ce n'est pas rabaissant d'être bienfaisant envers les gens. Jamais. Tu seras toujours gagnant. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْإِحْسَانِ. Est-ce que la rétribution du bien n'est que le bien? Surat al-Rahman. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Que ceux qui ont été bienfaisants auront la meilleure des récompenses et bien plus encore. Et ainsi de suite. Comme encore le Ta'ala, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Et quand vous êtes bienfaisant envers les autres, en réalité vous êtes bienfaisant envers vous-même. Car ce bien, vous êtes les premiers à en profiter en fait. Vous serez les premiers à en profiter, subhanallah. Wallahu ta'ala yujibu ala ibadihi al-adl min al-ihsan wa yundibuhum ila ziyad al-fadl minhu. Wa qala ta'ala fil mu'amala wa la tansaw al-fadl baynakum. Et que Allah azawajal nous a rendu obligatoire d'être juste et d'être bienfaisant. Et que cela nous apportera encore plus de sa grâce. Et dans le sens où Allah dit, n'oubliez pas la grâce ou le bien qui est entre vous. À la base, ce verset concerne les conjoints. Lorsqu'un homme divorce une femme, qu'il n'oublie pas que cette femme lui a fait du bien. Et qu'elle n'oublie pas que cet homme lui a fait du bien, malgré les différends qu'ils ont eu, ils ont vécu des bons moments. Ces bons moments-là, il ne faut pas qu'ils les oublient pour devenir des ennemis à mort. N'oubliez pas le faute qu'il y a entre vous pour rester juste après la séparation. S'il y a besoin de quelque chose, de quoi que ce soit, que ton ex-époux, ton ex-épouse n'est pas ton ennemi de base, purement. D'accord? Ne pas oublier qu'il y a eu entre vous une intimité, un échange, un rapport qui sera ineffaçable. Il sera indélébile. Quoi qu'il ait fait, cette femme comme mal par la suite ou cet homme comme mal par la suite, vous avez vécu des moments qui seront inoubliables. Qui seront peut-être même irremplaçables. Donc ne pas les oublier pour rester justement équitable. Donc voilà, en gros, il y a deux parties que l'auteur cite, mais Inch'Allah, on les passera. On a dit l'essentiel est en rapport avec ce hadith. Maintenant, on va prendre le hadith qui suit. Le hadith est Thani wa Sittoun. 62e حديث عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمرة الإنسانية عفوا حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمرة الإنسية واللحوم البغال وكل ذي نائب من السباغ وكل ذي مخلب من الطير رواه الترمذي. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Khaybar, le jour c'était une bataille contre les Yahoud, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rendu interdit la chair d'âne domestique, ainsi que la chair des mulets, ainsi que la chair de tout animal qui a des crocs, prédateurs, et de tout animal qui a des griffes ou des cerfs, parmi les rapaces et les oiseaux. Ces animaux-là, leur consommation est illicite. Et regardez bien, en réalité, même ce hadith, il va avec celui-ci. Ça veut dire que ces trois derniers hadiths sont relatifs aux règles de l'alimentation. Non. يقول الأصل في جميع الأطعمة الحل فإن الله تعالى حل العباد ما خرجته الأرض من حبوب والثمار والنبات متنوع وحل لهم حيوانات البحر كلها. Donc la base dans la nourriture, c'est que tout est permis. C'est la base. Dans le Coran, Allah dit, il est celui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Donc la base dans les choses à consommer, c'est qu'elles sont toutes halal. Ensuite, sont venus des adillah pour préciser des choses en fait qui sortent de cette base qui est le halal. Ça y est, donc les choses haram, ça prouve qu'elles sont bien moins nombreuses que les choses halal. Parce que t'as des gens, ils aiment trop critiquer les gens de la droiture en disant tout est haram avec vous. On dit si vous saviez ce que vous dites comme énormité, c'est pas vrai. On va dire quasiment tout est halal à part certaines choses. Mais le problème, c'est que les gens qui ont le cœur malade sont attirés par ces choses qui sont haram. Malheureusement, ils ne voient que ça. Donc lorsque tu leur interdis, ils pensent que tu leur interdis tout ce qui est, tout ce qui est sur terre. On dit subhanallah, avec tous les jus, toutes les boissons qu'il y a, tous les jus qu'il y a, vous voyez que l'alcool? Subhanallah. Avec toutes les viandes qui existent, vous voyez que le porc. Avec toute la viande halal qui existe, vous voyez que la viande qui est haram. Et ainsi de suite, avec tout ce qui existe à côté. Ça, c'est vraiment des gens qui ont le cœur malade. Donc il dit que Allah Azawajal nous a rendu permis tout ce qu'il y a qui vient du sol, ou même des cieux, comme dans les choses qui sont végétales, ou les choses qui sont les graines, les fruits, et autres. Et nous a rendu licite tous les animaux marins, qu'ils soient vivants ou morts. C'est-à-dire un animal qui est marin qui est mort, ce n'est pas la chair morte, il est halal. Comme dans le hadith de Abu Huraira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam an al-bahr, wa hillu maytatu, wa tahur ma'uhu wa hillu maytatu. Il a dit à propos de la mer, c'est celle dont l'eau est pure et purifiante en toutes circonstances, l'eau de la mer, dans la mer, et celle dont la chair morte, c'est-à-dire dans la mer, c'est-à-dire les animaux marins, et la mer, c'est pas que l'eau salée. La mer, c'est tout ce qui est une grande étendue d'eau, s'appelle bahr en arabe. Ce n'est pas forcément Méditerranée, la Manche, la mer Rouge, la mer Arabe. Là, même un étang rentre dans ce jugement-là. Un grand lac rentre dans ce jugement-là. Des rivières rentrent dans ce jugement-là. Des animaux marins qui viennent de l'eau. L'eau de mer ou l'eau douce. C'est le même jugement. Donc l'animal marin mort, d'accord, il nous est licite. Vivant ou mort. Après, il y a une divergence. L'animal, est-ce qu'il est mort dans l'eau? Parce que là, ils disent que ce hadith-là amène à ce que tout animal, même terrestre, soit mort dans l'eau, et ben, il rentre dans le hadith. Ça, c'est une compréhension. Et d'autres, certains disent que si l'animal marin, il est mort hors de l'eau, il est haram. Parce que le hadith dit que c'est ce qui est mort dans l'eau. Mais en réalité, vous voyez, tout animal qui vit dans l'eau, de façon continue, par exemple, demain, il y a un poisson, il vient sur la berge et il meurt, tu peux le manger. Maintenant, il y a des animaux, vous savez, c'est mitigé. Ils sont marins, ils sont terrestres. Donc maintenant, il faut voir à quel moment est-ce qu'il est mort. La tortue, par exemple. Ou des animaux comme les mammifères marins, comme les dauphins et les orques. Ça, c'est plus sensible. D'accord? Mais là n'est pas le sujet. قال وأما الحيوانات البر فأباح منها جميع الطيبات كالأنعام الثمانية وغيرها والصيود الوحشية والطيور وغيرها. Quant aux animaux terrestres, ils nous sont tous permis dans ce qui est bon, comme les animaux du bétail et autres, comme le gibier, les animaux sauvages et les oiseaux. Maintenant, ce hadith est venu pour montrer des exceptions, car ces animaux sont des khaba'is, des choses qui nous sont mauvaises. Cet animal peut être nuisible pour nous, on ne sait pas. La hikmah qu'il y a derrière, en tout cas, il nous a été rendu interdit. Masalan, ce hadith parle de l'âne. L'âne qui est domestique. Comme vous voyez, l'âne, l'animal qu'on voit là, qui est décrit comme étant bête, l'âne, voilà. Cet animal-là, l'âne domestique, il est interdit à la consommation. Non pas qu'il soit impur, parce que s'il avait été impur, il y a des ulémas qui disent parce qu'il est impur. S'il avait été impur, on n'aurait pas le droit de monter dessus. On n'aurait pas le droit de monter dessus. Ça, c'est de 1. Mais il s'agit que de l'âne qui est domestique. L'âne sauvage, il est permis. C'est quoi l'âne sauvage? C'est le zèbre. C'est le zèbre. Il est halal de manger du zèbre, bien sûr avec les conditions d'égorgement. Également, ce qui est haram, le mulet. D'accord, le mulet. C'est quoi un mulet? C'est un mélange entre une jument et un âne. Vous savez, c'est un mélange entre eux. Ou le cheval et l'ânesse, je ne sais plus. En tout cas, c'est un mélange, d'accord? C'est un mélange entre l'animal, le cheval, et l'âne. en fait. Donc le mulet, il est moins grand que le cheval, plus petit que le cheval, la fouine, et plus grand que l'âne. Cet animal-là également. Comme cet animal est un mélange d'un ce qui est halal et de ce qui est haram, alors il prend le jument de ce qui est haram. Taïeb, comme il est mélangé entre le cheval et le halal, on peut en manger du cheval. Taïeb, les sahabas en ont déjà mangé. Parce qu'il y a des ulama, ils l'ont interdit, mais ils savaient pas, ils connaissaient pas le hadith. Et d'autres qui ont fait un qiyas, ou d'autres qui disent que l'animal, il nous sert, c'est un animal qui est noble ou quoi. On dit non, on regarde pas ça, on regarde l'adillah. Est-ce que t'as un texte qui interdit le cheval? Non, c'est qu'il est halal. C'est là-bas, c'est que les animaux sont halal, tant qu'on n'a pas un texte qui l'interdit. Pareil, les gens ils disent, ouais, le dauphin, c'est trop beau, c'est trop mignon, c'est l'ami de l'homme. On dit, y a pas, il est halal, tu veux pas en manger, t'as le droit de pas en manger. Mais les halal, quelqu'un qui va en manger, il en mange. Tu n'as pas à l'interdire ou à le blâmer pour cela. Vous voyez? Même le dauphin, cet animal qu'on aime beaucoup, il est halal. La baleine, c'est halal. Le cachalot, les polars, tous ces animaux-là, ils nous sont halal. Le requin blanc, le requin tigre, même si ça, c'est halal. La tortue, les mollusques, tout ça, c'est halal. D'accord? Que les gens mettent leurs impressions de côté quand on parle de religion. Tu n'aimes pas? T'as le droit de ne pas aimer. Le Nabi Salem n'a pas aimé le dobe. Le dobe, c'est le lézard. Ça doit être, je crois, comme l'iguane ou je sais pas quoi. Il n'en a pas mangé. Il a dit, c'est pas haram, c'est moi, je n'aime pas cela. Il a bien précisé pour qu'on comprenne. Donc nous, c'est pareil. C'est pas en jeu avec nos goûts, nos couleurs ou nos coutumes dans ce qui est halal, dans ce qui est haram, dans la nourriture. On prend un texte. D'accord? On prend un texte. Donc ces animaux-là, nous sont haram. Comment? Par ce texte. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna rijsun. Et rijz, c'est un mot qui veut dire, qui peut devenir impur, d'où le fait que des ulama ont dit que l'âne il était impur par rapport à ce hadith. Et en fait, rijz, ça ne veut pas forcément dire impur. C'est pas dans l'absolu. Après, il dit, wa kazalika harrama zawat al-aniyab wa min as-siba, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit les animaux qui ont des crocs, des canines, tout ce qui est canidé, tout ce qui est fauve, d'accord, le lion, les loups, tous les félins, ainsi de suite, les renards, même tout ce qui est mangouste, les animaux comme ça, d'accord, ce sont des prédateurs et ils ont des canines, ils ont des crocs, nous sont interdits. Et également les animaux qui ont des griffes et les cerfs comme les rapaces, l'aigle, l'épervier, le faucon, la buse. Tous ces animaux-là sont des rapaces. Les rapaces sont des prédateurs et ils ont des cerfs, comme vous le savez. Même le hibou, d'accord, le hibou, la chouette, ces animaux-là sont des animaux qui ont des cerfs, sont des prédateurs. Donc ils nous sont interdits à la consommation. En dehors de cela, les oiseaux, la volaille, tout nous est permis. Allant de l'autruche jusqu'au canard, tout nous est permis. Bihamdillahi ta'ala. D'accord. Là-bas, c'est que c'est la permission, à part ce qu'il y a un texte. Là, on a la catégorie d'animal qui nous auront été rendus interdits. On les connaît maintenant, alhamdoulilah. Le reste, c'est halal. D'accord? Le reste, c'est halal. Et aussi, les animaux qui nous sont interdits, c'est les animaux qui ont été interdits d'être tués. Un animal qu'on ne peut tuer, on ne peut le consommer. Par exemple, la grenouille. La grenouille, c'est un animal qu'on n'a pas le droit de tuer. Donc, si on ne peut pas le tuer, on ne peut pas le manger. Et aussi, il nous est interdit de manger l'animal, le contraire, qui nous a été ordonné de tuer, comme le dit l'auteur. Par exemple, le scorpion, le rat, les souris, les serpents. Déjà, à la base, les animaux qui ont un venin, qui sont nuisibles, on ne peut pas les manger. Car il y a un darar, il y a une nuisance pour nous dessus. D'accord? Tout animal venimeux, on ne peut le manger. Après, vous dites qu'il y a des poissons qui ont du venin. Par exemple, la méduse. Est-ce que ça se mange? Allah alam. Il y a du venin dedans, c'est nuisible. Et il existe des poissons venimeux également qui existent. Maintenant, si le venin, on peut l'enlever, peut-être que le jugement changera. Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Mais là-bas, c'est les animaux marins sont tous halal. Donc, probablement que le jugement, ça va être, si jamais tu arrives à te débarrasser du venin, que l'animal, tu peux le consommer. Allah alam. Quoi qu'il en soit, les animaux terrestres venimeux nous sont interdits. Les animaux que l'on doit tuer, comme le corbeau, comme le scorpion, comme on l'a dit, comme la souris, le rat, les serpents, et j'ai oublié, le chien noir, par exemple. Bon, à la base, le chien, c'est interdit. Le chien est interdit à la consommation, parce qu'il rentre dans les canidés. C'est un animal qui a des canines, qui a des crocs. Et c'est un prédateur, le chien, de base. Même s'il est gentil, les gens le... c'est un animal qui est docile, qui est fidèle ou quoi, ça reste un prédateur. D'accord ? Et il a des crocs. Après, il y a un khilaf, vous savez, par rapport au chien. Soit, les ulama disent qu'il est complètement impur. Certains disent que juste sa bave est impure. Et d'autres disent qu'il est pur entièrement. D'accord ? Et je vois que les avis les plus forts, c'est entre la bave et la pureté totale. Entre les deux, c'est assez... La masala, le khilaf, il est fort, très très fort. Et ils ont des adilets qui sont très convaincants. Moi, pour ma part, je penche entre ces deux cols-là. Soit c'est la bave qui est impure, soit le chien, il est pur entièrement de A à Z. Mais dire qu'il est pur ne veut pas dire que tu as droit de te le procurer à la maison. Le chien, il y a trois chiens seulement qui sont permis. Le chien de chasse, comme on en a parlé hier, le chien de chasse qui est dressé pour la chasse, tu peux le posséder. Le chien de berger, pour ceux qui ont les troupeaux, tu peux le posséder. Et le chien des champs, qui surveille les champs, tu peux le posséder. Mais les posséder également ne permet pas de les faire entrer dans ton foyer. Le chien n'entre pas dans la maison, il faut le sortir. Car sa présence empêche les gens de rentrer. Les anges, à fois, je dis les gens, je veux dire les anges. La présence d'un chien, comme les images, empêche les anges de rentrer. Et en plus, un animal qui est sale. Même s'il n'est pas impur, il est sale. Le chien, pour preuve, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait que si le chien vient à boire dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il le lave 7 fois et la première avec de la terre. Donc par ce hadith-là, des ulama disent que le chien, sa bave, elle est impure. D'autres, ils ont dit non, ça ne veut pas dire que c'est impur, c'est un acte de dévotion, d'adoration. Cependant, sa bave, elle est extrêmement sale. Et aujourd'hui, même des médecins l'ont prouvé, que la bave du chien, elle est pleine de bactéries. Vous voyez des gens se faire lécher par leur chien, ah, c'est dégoûtant. Ils sont là avec leur chien, ils leur font des bisous, ils leur lâchent le visage, ils leur lâchent la tête. C'est horrible. Et ils savent pas, les gens. Pourtant, même un kafir dit, le chien, regarde la laine du chien. Le chien, il sent mauvais de la bouche. C'est évident, c'est pas évident. Un chien sent mauvais de la bouche. Comment il va te lécher le visage? C'est écœurant. Ah ben non, les chiens, maintenant, ils prennent les chiens comme leurs enfants. Et le chien, il vient, ils sont dans le lit, il dort dans le lit, il se roule, il se lave avec son maître. Auzubillah, c'est comme un être humain. Ça rend, comme on le disait tout à l'heure, les droits des animaux. Le chien a trop de droits. Le chien, aujourd'hui, dans les pays de Koufre, il a trop de droits. Il est lui-même un stade comme un être humain, presque. C'est abusé. C'est abusé. Quoi qu'il en soit, pour revenir au sujet, le chien n'est pas comestible. D'accord ? Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui a un chien autre que les chiens cités, chaque jour, il perd un qirat de récompense. Et un qirat, ce n'est pas comme dans le hadith de la janaza, c'est la montagne de Uhud. Non, là, le qirat, c'est une dose chez les Arabes qui était connue. Je ne pourrais pas vous dire c'est quelle dose, quelle quantité, mais c'est une quantité qui était connue chez les anciens. Celui qui a un chien sans raison légitime, chaque jour, il perd un qirat de hasanat. Donc, pour dire que le chien, il est interdit de le posséder, sauf dans les cas cités. D'accord ? Non. Donc, le khurasa, c'est que tous les animaux marins sont permis. Que tous les animaux terrestres sont permis, hormis les animaux cités dans ce hadith, et d'autres comme le porc, comme cela est venu dans le Coran, vous le savez, ça c'est une chose qui est connue, qui est unanime, connue des musulmans et des koufars. Mais comme vous le savez, la sunna vient pour détailler le Coran, donc ce hadith vient pour ajouter des précisions encore, il n'y a pas que le porc qui est interdit. C'est déjà pour le Coran, il n'y a que le porc qui est interdit, le reste c'est pas haram. Dans le Coran, c'est pas écrit. Il y a un verset qui le cite en plus. On dit naam, mais la sunna est venue pour clarifier. Donc tout animal qui possède des crocs et des griffes et des serres est interdit. L'âne domestique est interdit. D'accord ? Les animaux venimeux sont interdits. Les animaux dont il nous a été ordonné de tuer nous sont interdits la consommation. Et les animaux qui nous ont interdit de tuer nous sont interdits la consommation. Et ils ne sont pas nombreux par rapport au reste. Ils ne sont pas nombreux par rapport au reste. Et précision, le sanglier, c'est un porc sauvage. Donc il prend le jument du porc. Le sanglier, c'est un porc sauvage. Et même, il l'appelle comme ça, les koufars, le cochon sauvage. C'est un porc. C'est du porc. Donc il prend le jument même du cochon rose là qu'on voit à la ferme. Là, c'est le même. Sauf que lui, il est en liberté et il vit ailleurs, mais c'est la même viande. C'est le même jugement. Le sanglier est interdit. Égorgé ou fusillé ou chien de chasse, le sanglier est interdit à la consommation. Non. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme hadith. Et on va s'arrêter là, Bismillah Ta'ala. Et à partir de mardi, comme on l'a expliqué, on commencera les Arba'in Nawawiyah entre le Maghrib et le Isha, inshallah ta'ala. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.